Les palmarès Sifu sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarès Sifu! Hey, bonjour et bienvenue à une toute nouvelle édition des Palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 juin 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on a une extrêmement grosse émission. On a bien des choses à faire, comme on dit dans le domaine radiophonique. On dit ça, on a beaucoup de choses à faire. Donc, on va commencer par dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine. On a quatre nouvelles entrées. German Reg, The Novax, une nouvelle pièce de Metric. On va commencer dans quelques minutes avec le Roi Poisson. La semaine passée, nos numéros 1 du côté francophone, c'était Standing Waltz avec Cité Phosphore. En anglo, c'était My Son The Bomb avec Get On The List. Est-ce que ça tient? Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour le savoir. Mais comme je disais, on commence par les 15e positions. Elles sont nouvelles des deux côtés. En anglophone, c'est Magic avec Satellite Mind. Mais on commence par le Roi Poisson. Voici Croque-Mort. Au 89.1 FM, c'est fou! Au départ, c'était pas censé m'en demander tant. Mais depuis... Je suis devenu un peu dépendant. À quelque part, je ne pouvais pas en faire autrement. Être croque-mort, c'est vraiment ce qui est le plus passionnant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, huissier, boucher. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Et ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Pas juste des petits vieux que j'entends, ça me rend malheureux. Ils ne devraient pas savoir que ça que pour enfants. Quand j'en vois, je trouve cela bien déprimant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, boucher, huissier. J'ai aussi voulu être chauffeur. J'ai enterré les morts. Il m'a mis tout en noir. J'ai pratiqué le métier de croque-mort. Le porte mort et pas aller chercher. La mort du sujet est chose fondée. Car à ceux qui espéraient trouver de quoi de mieux, il se peut que la douleur les ramène des cieux. Numéro 15. Matrick et Satellite Mind en position numéro 15 anglophone, c'est tout nouveau. Oui, puis juste avant ça, c'était aussi une nouvelle entrée du côté francophone. La 15e, c'était Croque-Mort du Roi Poisson. Hey, salut Kiwan en passant. Hey, salut Mathieu. Ça va bien. Ben oui, toi. Très bien de t'avoir. On passe aux 14e position du côté anglophone. C'est nouveau ça aussi, c'est de Novax avec Why Wonder. Novax qui était d'ailleurs le poste d'or à une émission récente du poste d'écoute. Donc ça veut dire que t'aimes ça. Oui. Mais juste avant Novax, ce qu'on va entendre, c'est la 14e francophone. C'était en 15e la semaine dernière. C'est numéro avec la pièce Tout est parfait. Et ça commence maintenant dans les Palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Dans vos oreilles. We're Une nouvelle entrée en 14e place anglophone de la part de la formation de Novax. La pièce s'appelle Why Wonder. Oui, juste avant ça, c'était numéro avec la pièce Tout est parfait. Et c'était aussi le numéro 14. 14, anciennement 15. Oui, c'est ça. Ben, ils changent de numéro. Ils prennent un numéro pour avancer. C'est compliqué, les numéros, quand on commence à en dire trop. Là. C'est un processus, tout ça. On s'en va au 13e place du côté anglophone. C'est la dernière nouvelle entrée de la semaine par Gentleman Reg. C'est sa deuxième entrée dans nos palmarès. Ça s'appelle How We Exit. Mais juste avant, on va écouter la 13e Franco. Et c'est une pièce qui m'a surprise, moi, quand j'ai entendu la semaine dernière en 14e dans les palmarès. C'est En pleine face du groupe Archigéant. C'est vraiment une bonne pièce. J'étais pas sûr du groupe Archigéant, mais cette pièce-là, je l'adore. En pleine face de Archigéant. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Oui! Oh oui! Suspicion. When you don't trust what's what. Gentlemen Reggie, How We Exit en position numéro 13 anglophone. C'est tout nouveau, c'est tout frais dans les palmarès. C'est fou. Et avant ça, c'était Archigéant avec la pièce En pleine face, la 13e position francophone. Ça fait deux semaines que c'est sur le palmarès. Deux très bonnes nouvelles. Une très bonne nouvelle position et une nouvelle position d'une pièce qui était dans une autre position avant, mais qui est dans sa nouvelle position. Qui est la 13e, c'est sa nouvelle position à elle. Tu comprends ça? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que ce qui est compréhensible, c'est qu'on s'en va entendre les 12e positions du côté anglophone. C'est Winter Gloves avec I Can't Tell You. Et du côté francophone, la 12e, c'est Deux Pouilles en cavale avec la pièce titre de leur album Deux Pouilles en cavale. Et c'est aussi le sous-titre de Des Panneras et Fous. Des Panneras et Fous, deux pouilles en cavale. Ouais, dire. Ce serait bon. Ouais, pas pire. Mais je te dis dessus. Ouais. Pas sûr? Côté droit d'auteur. Ah ouais, c'est ça. Palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Winter Gloves et I Can Tell You en position numéro 12 anglophone. Ça monte de 2 places. Et avant, on avait entendu la 12e francophone. C'était Deux Pouilles en Cavale du groupe Deux Pouilles en Cavale. Hey, c'est original comme nom de pièce. C'est un petit peu homonyme qu'on appelle. Un petit peu. Ben, c'est même le nom de l'album. Là, c'est... Et c'est même la définition du mot homonyme. Fait que c'est tout en même temps, ça. On est rendu aux positions numéro, si vous avez bien compris ici, si vous suivez avec nous le processus palmarésien. Du côté anglophone, la 11e monte de 4 places, c'est White Cowbell Oklahoma avec Piece of the Action. Mais tout de suite, on écoute la 11e francophone, c'est Les Violents Cachalots avec sous le cover du journal Voir. Et ça se passe maintenant dans les palmarès, c'est fou! 89.1 FM. Vous allez voir. Vous allez voir. Journal Voir. Vous allez voir le journal Voir. Rempli un peu, Kiwan. Ah, ok, je pensais que c'était la piste qu'on entendait qui venait de partir. Non, ok. Ça avait l'air de ça. Ouais, ça avait quand même l'air de ça. J'ai confondu les deux cachalots avec. Ce qu'on entend présentement, ce serait du. C'est le fond, c'est juste le fond. C'est Artist of the Year, je pense. Ouais, c'est ça. Un quoi? C'est pas Artist of the Year, ouais, c'est ça. Ouais, okay. Artist of the Year. Mm-hmm. Livre-là les. Les deux cachalots. Les cachalots. Les violents cachalots. Ah, ouais. Star, c'est qu'on roule pas sur l'or. Y'a pas un Christ de choc qui nous reconnaît dans la rue. On chante des tunes mal propres, on est des crottes et sales. Nos tunes se rendent même pas jusqu'à Laval. On remplit aucune salle, puis notre disque se vend mal. Nous autres, on souffle les veines de désespoir. Parce qu'on est pas plugué, qu'on voudrait bien pogner. Puis avoir notre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 3-4 copies pour ma maman. Journal Voir. Les dents blanches et souriant. Sur le cover du journal Voir. Populaire, se taper des tonnes de femmes, signer notre contrat payant chez Audiogramme. Avoir la bière payée, même dans le boss de tournée. Y'a des roadies pour chauffer pis des tactés. Des gros chèques la socan, numéro 1 saison. Pis faire la première partie des Rolling Stones. Lâcher bord de motard, pis jouer à place des ors. Pas se mettre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. En noir et blanc, très élégant. Sur le cover du journal Voir. Très nouvelle folle et jeune groupie avec les ceintures. N'importe quoi pour être dans notre loge. On jouerait live des shows de TV. On serait VIP. L'industrie serait à genoux pour nous manger le kiwi. On se paierait toutes les chums que notre cash peut acheter. Parce que personne pour endurer nos têtes enflées. N'aura pas une crise de scène. On sera pas populaire tant qu'on n'aura pas notre face au journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. À gauche en rentrant dans le restaurant. Sur le cover du journal Voir. Sur le cover du journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour le moment. Journal Voir. 4-6. C'est bien évident. Sur le cover du journal Voir. Numéro 11. Yeah. White Cowbell Oklahoma avec Piece of the Action en position numéro 11 anglophone, ça monte de 4. Oui, avant ça, on avait entendu Les Violents Cachalots avec la pièce sur le cover du journal Voir, c'était en 11e francophone. Et puis un petit peu avant ça, si tu te souviens, Mathieu, on avait entendu la 12e anglophone, c'était Winter Gloves avec la pièce I Can't Tell You. Est-ce que tu te souviens de la pièce Hillside de Winter Gloves qui était dans les palmarès jusqu'à il y a pas longtemps? Oui, juste avant, oui, je m'en rappelle et je l'aime autant qu'elle. C'est vraiment une très bonne pièce de Winter Gloves, c'est ma préférée, je pense. Mais Hillside, c'est aussi le nom d'un festival de musique indé au Canada, est-ce que tu savais? Indé, c'est ton terme pour indépendant, indie, ouais, là. T'appelles ça indé, toi? Ouais, c'est comme... C'est super à la mode. C'est Hillside un peu, je trouve. Hein. Non, mais il y a un festival qui s'appelle Hillside, Mathieu. Si tu connais pas ça, c'est vraiment... Moi, je le connaissais pas. Je veux pas te traiter d'ignore. C'était pas ça le but, là. Non, mais je veux t'en parler, par exemple. Je veux te parler du festival Hillside parce que c'est vraiment un festival canadien. Ça se passe à Guelph, en Ontario. Et puis, ça regroupe vraiment les meilleurs artistes de la scène indie rock présentement au Canada. Puis plus ailleurs qu'au Canada aussi. Je vais t'en nommer. Présentement, il y a... Je dirais presque une centaine là, d'artistes qui sont confirmés. Ça dure deux jours. C'est les 24. C'est trois jours. C'est du 24 au 26 juillet 2009. Et puis, je t'en nomme comme ça. Tu vas voir juste parmi ceux, parmi les artistes qui ont joué ou qui jouent ici, assez fou. Cœur de Pirate, David Martel, il y avait Winter Gloves, Gentleman Dredge qu'on a entendu un petit peu plus tôt, et Rosetta qui ont été dans les palmarès quand même pendant longtemps ici. Patrick Watson, Hobijou, Tokyo Police Club, Woodhands. Et puis, il y en a plein d'autres comme ça. Il y a une série là, d'environ une centaine d'artistes. Et ça donne quand même une idée son du festival Hillside. Vraiment un festival qui m'intéresse beaucoup. Ça se passe donc du 24 au 26 juillet. C'est à Guelph, en Ontario. C'est pas à côté. Mais en tout cas, j'ai rarement vu des programmations de festivals, de gros festivals comme ça, là, avec plusieurs scènes, avec autant d'artistes. J'ai jamais vu une programmation aussi adaptée et aussi proche de celle des radios universitaires, celle de ces fous ici. Donc... Bref, très intéressant. On aime ça. Je vais y penser. Peut-être bien faire une petite visite à Guelph cet été. Un petit road trip, tous les Tim Hortons du coin. Ouais, j'y pense. J'y pense sérieusement. Super, Hillside. C'est la parenthèse Hillside. On continue avec les positions numéro 10 du côté anglophone. Il y a Pete Moss avec Booze, Babes and Barbecue qui monte de deux places. Mais avant ça, la dixième francophone, c'est Marie-Pierre Arthur avec Droit devant. Vous êtes dans le condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Les palmarès, c'est fou. Ben oui, ça le dit, c'est dans le nom. Il y a trois mots, t'as lait, t'as palmarès, puis t'as c'est fou, hein? Ça résume bien la chose. Marche pour changer le temps. Pour... Par-delà toutes les parts. Numéro 10. Pete Moss avec Booze, Babes and Barbecue en position numéro 10 anglophone. Ça vient de leur album Sober on Strike, épisode 3. Et avant ça, du côté franco, c'était Marie-Pierre Arthur avec Droit devant qui monte d'une place deux autres pièces. des palmarès C'est fou qui font partie de ce qu'on en sait de la meilleure musique que C'est fou a à vous offrir. Elle ne finit jamais cette pièce. En 9e anglophone, on retrouve Slim Twig avec Young Aussies, mais tout de suite, voici la question. Et moi. Et ça, c'est la pièce. Et moi. Ouais. Et moi. Au palmarès, c'est fou, 89.1. Il n'y a rien à dire de plus, hein, c'est juste et moi. Pour mieux respirer, j'ai claqué la porte qui mène vers toi. Mes vieux souvenirs se sont recyclés en émoi. Il est trop tard quand je te crois, son regard prend Call her your cousin. La Mexas tune. And it makes us so lucky. Breathing, counting, he came pounding, thrashing, ringing, shook the ceiling, humming on the grass, dust boots, plus food, tipping on a food jar in my bathroom, scrubbing, flashing, on down out the bedroom, laughing, gather plaything that's a comb, cutting up, and leaving slowly, cringing, crying on the door now. Sticking through the mail, it's like dodging rips from out the window. Listen, humming, little tiptoes, skipping, hiding, climbing high, having on and belly down. Can't put the kids in jelly. You're all bowling without hurry, breathing, counting, eating, pounding, flashing rain, shut the ceiling, humming all the grass, the blue dusting, tipping on the fruit jar in my bathroom, scrubbing, flashing. Slim Twig avec la pièce Young Hussies, c'était la 9e position anglophone, donc on vient juste d'entendre, ils vont être à Montréal, du côté du Lambie à Montréal, mais c'est loin encore, c'est le 14 juillet, mais le 14 juillet, ils seront probablement plus dans les palmarès, donc c'est bien de le mentionner tout de suite que le 14 juillet prochain, Slim Twig vont être à Montréal. Dans vos petits agendas, notez ça les amis, dans votre journal intime si vous tenez ça. Avant ça, du côté franco, la 9e, c'était Lac Question. Faut le dire comme il faut. Lac Estion. Avec la pièce E, espace moi, et ça descend d'une place, ça avait leur album affranchi. Voilà. On continue avec les 7e positions du côté anglophone. Plus tard, on va entendre du 8e position. C'est-tu 8e position ou c'est 8e? Hein? On est rendu en 8e, ouais. Du côté anglophone, ça va être The Doves avec Jetstream qui monte d'une place. Hey, mais avant ça, c'est toute une descente pour Mimi Van Der Glo en 8e. C'était en 3e position la semaine dernière et c'était en position numéro 1, là, pas si longtemps. Mais c'est en 8e qu'on retrouve Québec-Canada, la pièce de Mimi Van Der Glo. Ben, celle-là aussi, elle a déjà été dans les bandes. Oui. T'es proche. Ah, là, là. Québec-Canada. Dans les pommes assez fous au 89.1. FM. It costs so Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Bonjour, c'est Les Palmarès, c'est fou. Émission qui est en ondes en ce moment, ici au 89.1 FM, c'est fou. Lui, c'est Kiwan. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, vous êtes Les Palmiers, vous n'avez pas de nom de famille encore, par contre. Non. Juste Les Palmiers, c'est assez personnel. On est sur une base de prénoms, nous autres. Mmh. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez être amis avec nous sur Facebook. Et c'est fou, on commence à avoir pas mal d'amis sur Facebook. Là. On va bientôt battre nos plus proches ennemis. Ah ouais, je sais pas. Tu penses qu'on va battre nos rivaux? Oh. Non, c'est pas des rivaux, là, mais... On n'a pas ça, nous autres. On a juste des amis. Oui, j'ai assez. Non, mais on n'aura pas plus d'amis sur Facebook quand même que les gars de... Tu parles des betteraves hurlantes, là, en fait. Ouais, c'est ça, l'émission qui n'existe plus, mais qui a quand même des amis sur Facebook, pas mal. Ils n'existent plus, mais ils ont quand même plus d'amis que nous autres. C'est ça. Puis, c'est... Ouais, fait qu'on est pas mal losers, hein, finalement. On est quand même loin encore, hein, je pense, des autres. Que voulez-vous, un jour, nous les battrons. Ouais. On est rendu à la position numéro 8 anglophone, c'est The Doves, avec Jetstream, qu'on s'en va entendre, ça monte d'une place, et plus tard, on va entendre nos positions numéro 7, Dan Young et le Cartel et Jason Lytle, et plus tard, il va y avoir d'autres bonnes choses, peut-être la visite, on l'espère. Peut-être, on verra. On va pas les punch avant qu'ils arrivent. Non, parce qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé. Sans blague. C'est ça la radio. Hein? Bref, vous êtes dans Les Palmarès, c'est fou au 89.1 FM. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Hein? Oui, tout à fait. Et des meilleurs invités. Oui. Des fois. On espère. Silent. de Doves et Jetstream. Dans les palmarès, c'est fou, c'est la pièce, la position numéro 8. Ça monte d'une place avec l'album Kingdom of Rust. Est-ce que t'as écouté un peu l'album de Doves? Non, honnêtement, du tout. Je l'ai survolé et puis parce que j'aimais beaucoup la pièce. Survolé The Doves. Doves, Jetstream. C'est comme un oiseau. Ouais, j'ai survolé rapidement. Puis ouais, c'est ça, ça ressemble pas tant au son de cette pièce-là. C'est un son un peu plus old school, je dirais, un peu plus classique en termes de rock. Et puis il y a des influences assez bizarres. La musique est un peu indienne, je dirais. Indienne? Ouais. Une petite touche, des fois exotique. Cool. Donc, ouais, quand même assez différent de cette pièce-là, le reste de l'album. Mais comme je te dis, c'est pas une analyse très exhaustive. Là, je l'ai pas écouté en profondeur plusieurs fois à l'envers. Là, au ralenti, en accéléré. Non, c'est ça, j'ai quand même survolé seulement. Donc, mais ouais, c'est quand même bon dedans, j'aime ça. Cool! Ben j'aime ça t'entendre dire des affaires comme ça parce que ça me donne envie de l'écouter moi aussi, tu sais. Je sais pas. Ouais, mais non, mais t'écouteras les petites sonorités exotiques, tu vas voir que c'est intéressant. Intéressant étant un mot que tu utilises comme genre cette personne-là est spéciale, hein, c'est ça. Bref, on est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. On va l'entendre Jason Lytle tantôt avec Yours Truly, The Commuter, qui monte d'une place. La septième francophone, c'est l'ancienne position numéro 2. C'est Dan Young et le cartel avec la pièce Comptez jusqu'à 3. Sera-t-il remonté jusqu'en position au moins numéro 3? Comptez jusqu'à 3. Peut-être. On verra un jour. On verra. Vous êtes dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Allez voir le www.cfou.ca pour nous écouter en direct sur le internet. C'est vrai ça? Cfou.ca. Parce que c'est fou ça. Yeah. Jason Lytle et Yours Truly, The Commuter, qui est en position numéro 7 anglophone. Ça monte d'une place. Oui, avant ça, on avait entendu du côté franco, Dan Young et le Cartel avec la pièce Côté Disque 3, Dan Young et le Cartel, qui se décrivent eux-mêmes comme un groupe plus cool qu'Oasis, mais moins hot que Marimé. Ah, bon, tu vois, c'est quand même précis. C'est eux autres qui le disent, donc on peut le dire, nous autres aussi. Comment les contredire? Ah, ils vont être en spectacle le 20 juin à l'Absinthe, mais c'est à Montréal et on sait pas c'est où, donc pas plus d'infos. c'est rempli de détails. On va aller entendre nos positions numéro 6 tout de suite. Du côté anglophone, c'est The Brains avec Turnaround. Mais avant ça, c'est stable, ça n'a pas bougé en 6e. C'est Royal Arch avec la pièce Buisson Ardent. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Yahoo! qu'on va déballer ça au plus vite. on vient d'entendre la formation de Brains avec Turnaround qui monte d'une place. Avant ça, c'était Stable en sixième, c'était Buisson Ardent du groupe français Royal Arch. Mmh. On n'a pas encore fait de position de la semaine. Non, pas encore. On va regarder ça plus tard. On va l'entendre, les positions numéro 5, tiens, du côté anglophone, c'est Elephant Stone avec Bombs Bomb Away qui monte de 5 places. Ça a monté rapidement, ça, Elephant Stone. Oui. Que tel un éléphant qui grimpe une montagne ou un singe qui grimpe sur la queue d'un éléphant. Ah oui, on sait, c'est toutes des images qui nous sont venues naturellement en tête. Le livre de la jungle, hein? Ouais. Juste avant ça, on va entendre tout de suite, en fait, la cinquième francophone, c'est Stable, c'est Ariel avec la pièce La danse des pans. Je vais travailler sur mes métaphores animalières. Par rapport au pain, surtout. Ouais, quelque chose de plus. T'sais. Ouais. Ben, ça dépend. Ça dépend plus ou moins, tu sais. Shut up! those who find joy in the eyes of a child, and beauty in light and calmness of mind. So bombs bomb away and kill another man. No thought of the cost, but build in the land. So bombs bomb away and kiss the mother's son. Make sure to send a note. History has told of no such tale. The gods did war with the demons in the air. So bombs bomb away and kill another man. No thought of the cost, but building the land. So bombs bomb away and kill some mother's son. Make sure to send a note. Finstone et Bombs Bomb Away en position numéro 5 anglophone de notre palmarès. Ah, c'est fou! Oui, puis avant d'aller, d'avant de poursuivre en fait le palmarès, on va faire une petite interruption. Oui, on aime ça, nous autres, interrompre les choses, mais pour des bonnes autres choses. Tu sais, à l'intérieur de bonnes choses, on a d'autres bonnes choses. On a Guillaume, Nicolas et un autre Guillaume, mais pas un deuxième, juste c'est sur la même base, d'être au même pied d'égalité, je pense que ça me serait mieux comme ça. De trois gars sur le sofa. Une chaise plus basse, par exemple. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, t'as... Ouais. Vu de t'as la chaise mal aimée, en fait. En plus, c'est moi, le plus petit, fait que là, il y a vraiment comme une hiérarchie. Ouais. Ça aide pas. Donc, trois gars sur le sofa qui sont en studio avec nous. Vous avez un deuxième album qui s'appelle Cerf-Volant. Oui. Et vous venez nous en parler. C'est votre nouvel album. Parlez-nous-en un petit peu. Ben, écoute, c'est sorti fin avril. Ouais, 28 avril, il est en magasin depuis ce temps-là. Un album sur lequel on a travaillé pendant toute l'année 2008. Avec Monsieur David Brunet qui a co-réalisé avec nous l'album. Alors, on est bien content de ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ah, en tout cas, c'est excellent. On est bien content. pour ceux qui avaient peut-être entendu le premier album, peut-être la nouveauté, c'est que c'est plus la musique est un petit peu plus étoffée. Il y a plus d'arrangements, il y a plus d'instrumentation. On a un batteur maintenant qui est avec nous. En spectacle aussi, qui est sur l'album puis qui est en spectacle aussi. Fait que c'est ça, on a un peu grossi la sauce. Puis quoi d'autre aussi? Ben, on vient à Trois-Rivières parce qu'on est en spectacle ici ce soir. On est au Zénob. 5$, c'est la tournée de la crise économique. Alors, on termine ce soir. Oui, en fait, c'est la dernière. Alors, tabarouette, profitez-en. Ouais. Ça s'est bien passé, le reste de la tournée. Très bien passé. Très bien. On est vraiment content de l'accueil qu'on a eu. C'est ça, on a fait des petits endroits un peu comme le Zénob, un peu partout au Québec, là. Puis durant tout le mois de mai. Puis ça a été vraiment cool. C'était plein partout. Fait que Trois-Rivières, vous avez de la pression. Faut que ce soit plein. Faudrait que la police débarque, en fait. Ouais. Ça sera pas dur, en tout cas. On arrive de faire le test de son, puis on a pris peut-être un tiers de l'espace là, avec juste notre stock. Là. Fait que en tout cas, ben, venez en grand nombre. Ouais, le concept de la tournée crise économique, bon, c'est des petites salles, justement, comme tu disais, avec un coût qui est quand même pas cher. Là, ouais, pour 5$. Et puis, c'est ça, c'est vraiment. Vous avez vraiment décidé de faire ça à cause de la crise économique ou vous l'auriez fait de toute façon? Là, c'est pas, ben, écoute, c'est un peu. Tu sais, on fait de la promo de toute façon pour l'album. Fait qu'on voulait faire des shows de toute façon. On fait des shows gratuits. Bon, on va quand même s'en mettre un petit peu dans les poches pour parier au coût. Ouais, c'est la crise pour ça. Vous aussi. Ouais, en fait, ouais, ben, c'est un peu des lancements, tu sais, qu'on fait. Puis, okay, dans le fond, c'est des vrais shows. Là. On joue tout le nouvel album. On joue le vieil album aussi. Le vieil album. Ça fait drôle de dire ça. Ben ouais. C'est ça pareil. Fait que, ouais, ben, c'est ça. C'est tout simplement. C'est un peu un cadeau. T'sais, on a fait beaucoup de spectacles. Les gens ont embarqué dans notre trip avec nous autres. Fait que c'est pour remercier les gens un peu. Puis c'est ça. Fait qu'on vient se vendre à peu cher. Cool. Ouais. Cool. On a hâte de voir ça. Ben ouais. Donc là, vous jouez quand même pas mal dans les radios plus commerciales, on pourrait dire. Ouais, vous avez ouais. quand même commencé dans les radios universitaires comme la nôtre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ces radios universitaires-là? Est-ce que vous avez encore un lien d'attachement? Ben, oui, avec... certain. Une tout chance qu'ils sont là, en fait, parce que maintenant, on ne joue plus dans les radios commerciales. Pour le nouvel album, malheureusement, on ne joue plus. Mais fait que les radios universitaires sont là pour nous voir. Restez avec nous, s'il vous plaît. Ben, nous autres, on a toujours été un fan des radios communautaires et universitaires à Montréal aussi. Tu sais, dans notre van, là, les postes préprogrammés. Ouais, là, c'est ça. C'est Radio-Can, puis des postes. CIBL, CISM. Ouais, c'est ça. Si seulement c'est fou rentrer à Montréal, ils seraient dans vos stations préférées. Ils seraient là, le 89.1. Ils seraient juste à côté de CISM, qui est 89.3, en fait. Tu pourrais presque, en fait, écouter peut-être les deux en même temps. Ouais, tu tapes une fréquence, tu entends les deux stations. Ouais, à mi-chemin, peut-être. Ouais, 89.2. Ouais. D'ailleurs, il faudrait faire un débat sur pourquoi il n'y a pas de fréquence paire dans les stations de radio. C'est-à-dire que, genre, 89.2, on pourrait s'en parler plus longuement dans un cadre d'une toute autre émission. Faire une étude là-dessus. Ouais, c'est du périsme, je pense. Du périsme. Comme du racisme. Ouais, c'est ça. C'est du périsme. Il faudrait partir un groupe Facebook, je pense. Ouais, anti-périsme. Les radios pères. Si vous savez, appelez-nous. Je sais pas si c'est le cas de prendre des appels. Ben oui, c'est ça. Appelez-nous. 376-583. Mais même vous autres, vous êtes trois gars sur le sofa. Ça aussi, c'est un chef impair. Un chef impair, ben ouais. On est des péristes. Ouais, on est péristes aussi un peu. On fait partie du mouvement périste. Ouais. Vous êtes des papères. Ouais, non, mais c'est pas tant que ça, là. On se promène pas mal, fait que je pense que non. Ben, tu sais, vous vous promenez pas mal. Ça m'amène à vous demander, tu sais, qu'est-ce que vous écoutez dans votre auto ou n'importe comment comme musique, là. Tu vois, en s'en venant, qu'est-ce qu'on a écouté? À part CISM et CBS. On a écouté du jazz un petit peu en s'en venant. On a écouté du Groovy Aardvark. Groovy Aardvark, après ça. On a écouté Red Hot. Un petit peu de Red Hot. Et ensuite, qu'est-ce que tu nous as mis, Manette? T'as pas mis ton iPad? MC Solar aussi. MC Solar. On a écouté plusieurs affaires. On a écouté aussi The Roots. Un peu d'électro aussi. Ouais, The Roots. Ah, The Roots. Ouais, The Roots. On a écouté du Weaker Than. Mr. Oizo. Ouais. Vous avez vraiment des goûts assez variés. Ouais, vraiment variés. On a écouté plein d'affaires juste aujourd'hui, tu vois. Fait que ça se promène beaucoup de... Mais c'est parce que tout le monde a le droit de mettre ce qu'ils veulent, puis t'es pas obligé de demander aux autres. Ouais. Fait que forcément, les influences de tout le monde se sortent dans la vanne. Puis... Et ça me fait penser, vous avez un autre spectacle prochainement dans le coin ici, c'est à Saint-Paulin le 11 juillet. C'est ben oui, ouais, au Berge la Castor. C'est avec Mister Valère. Ouais, c'est quand même deux sons qui ne se ressemblent pas trop. Ouais, ça ressemble pas trop. Mais on les connaît bien. Ouais, on est bons chums, fait qu'on a comme hâte. Je pense que ça va être un beau party. Ouais. La dernière fois qu'on s'est croisés pour jouer, c'était à Tadoussac il y a 2 ans. On avait joué. Okay. Ben, en fait, nous autres, on était là quand, je sais pas si vous avez entendu parler, mais ils ont comme défoncé le plancher de la salle où ils jouaient. Ah. Il y avait eu trop de monde, c'était vraiment un petit bar, puis le plancher de la place avait défoncé. Mais on jouait pas avec eux autres. On a jamais vraiment joué ensemble, fait qu'on a hâte. Et puis, ben, en fait, c'est ça. C'est nous autres qui va commencer la soirée avec un spectacle comme on en fait toujours. Et Mister Valère va clore la soirée en faisant bouncer le tout. Okay, vous faites pas de spectacle spécial ou changez pas de son? Écoute, si jamais Jules veut venir jouer du saxophone, on fait un trou s'il veut quelque chose de même. En tout cas, on verra bien. C'est bon. Sinon, prochainement, est-ce qu'il y a d'autres spectacles à annoncer? Il y a les Franco à Montréal pour les gens qui. S'il y a des gens qui viennent à Montréal, le 2 août, on est au Franco, au cabaret Juste pour rire avec un groupe français qui s'appelle les Fatal Picard. Fait que c'est un programme double cette soirée-là, une belle soirée. Si ça vous tente pas d'aller voir Coldplay à Oshiaga, ben vous pouvez venir voir nous autres. Ouais, la compétition. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. Ben, écoute, Montréal, pendant l'été, c'est tout le temps de même. Ouais. Fait qu'on est habitués. Sinon, si les gens veulent des détails sur nous et sur nos spectacles à venir, le 3GSS.ca, c'est toujours la référence pour nous autres. Très joli site d'ailleurs. Merci. Félicitations à votre designer. Ben ouais, c'est ça. Ben c'est, en plus, c'est un blog. C'est sur le, pour ceux qui connaissent, c'est sur le modèle WordPress. Ouais. Fait qu'on a juste, juste programmé du beau autour. Puis c'est ça, le programmeur. Fait que voilà. Beau travail, bref, c'est ça. Merci. On va passer les remerciements à qui de droit. D'accord. Donc, on rappelle le spectacle, c'est ce soir au Zénob. Ouais. Ça commence à? Bon, à 9h30, 10h. C'est annoncé à 9h30, mais tu sais, on va attendre que tout le monde soit là. Arriver bonne heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Non, comme Nick disait tantôt, là, on a pris pas mal de place avec notre stock. Fait que venez checker votre place parce que sinon, vous allez être pogné dans le coin. Puis. Puis c'est ça. Fait que on attend beaucoup de monde. Fait que venez de bonheur. Sinon, il y a la terrasse en devant puis derrière aussi. Fait que c'est sûr que les gens vont entendre quand même le son se rend. J'espère. Vous jouerez plus fort. Ouais, c'est ça. On montre le son. Le monde va capoter en dedans. C'est bon. Ben merci. Merci beaucoup, merci les gars. À vous. On vous laisse aller préparer votre reste de préparation. Right. Ouais. Préparer la préparation. Merci beaucoup, les gars. Donc, vos noms, Guillaume, Nicolas et Guillaume. Je dis même pas deuxième Guillaume parce que c'est sur le même pied. Ouais, exactement. Ouais. Je suis plus petit. De trois gars sur le sofa. Merci beaucoup. Salut, beaucoup, merci, les gars. Chaîne. Merci. Donc, on va aller écouter justement une pièce de trois gars sur le sofa, je pense. Oui, c'est ça. On va, même que je pense qu'on devrait leur demander tout de suite de dire le nom de la pièce et juste l'expliquer un petit peu. On va aller écouter Ours et Ciel, qui est la première pièce de notre nouvel album et qui parle en fait un peu de la une crise existentielle. Recherche de soi. Ouais, exactement. Merci, Guillaume, avec un petit jouet, on va dire. Un petit jouet. T'es fun. Un ballon qui vole dans le désert, un fantôme qui hante personne, un météore sans rien sur sa trajectoire, un monstre marin encore inconnu dans un lac non répertorié. Cadeau de Noël oublié dans le garde-robe, la radio qui joue toute seule au chalet. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, parmi les desserts, une idée qu'on abandonne, un petit ressort, sûrement utile quelque part, un proverbe qui passe inaperçu sur une page à moitié déchirée, être l'ami qui une année d'école parce qu'il est né en octobre, un poisson des grands fonds qu'on voit jamais. Je cherche encore mon vrai potentiel. J'ai mis des pièges à ours dans mon ciel. J'attends des astronautes. Yeah. Excellente pièce de trois gars sur le sofa. On aime ça. Oui, donc dépêchez-vous, hein. allez prendre tout de suite votre place au Zénob parce que ça risque d'être plein sous peu. Sous peu, donc levez-vous de votre chaise, votre siège, même s'il est confortable. Quittez-le pour les sièges tout aussi confortables du Zénob. Ouais, si on pouvait, on le ferait tout de suite, mais bon, on a comme une occupation présentement. Mais... On anime, entre guillemets, une émission de radio. Voilà. C'est ça qu'on fait. Bref, la pièce s'appelait Ours et ciel et l'album de Trois gosses sur sofa s'appelle Cerf-volant. Très bon, on les aime. Oui. Ouais. Donc, on va continuer nos palmarès avec les prochaines positions qu'on est dû. Du côté anglophone, la quatrième descend de la première. C'est Mice on the Bomb avec Get on the List. La quatrième franco, ça monte rapidement. Ça, c'est en dixième position la semaine dernière. C'est Chinatown avec la pièce Perdre son temps. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. We'll be right back. Vincent Debord, mais Get on the List, l'ancien numéro 1 anglophone de notre palmarès. Donc, ça voudrait dire qu'on aura un nouveau numéro 1 cette semaine. Ça a quand même descendu assez rapidement, Vincent Debord. Ouais, ça va descendre la liste. Oui. Get on the List. Non? Oui, tout à fait. OK. Juste avant ça, on avait entendu la position numéro 4 francophone, qui, elle, montait rapidement. Ça passait de la 10e à la 4e. C'était Chinatown avec Perdre son temps. Et il n'y a pas de jeu de mots de liste à faire avec ce nom-là. Donc, c'est dommage, on ne pourra pas en faire. Non, c'est ça, elle perdra pas son temps à se rendre au sommet. Ah, je l'ai vraiment sous-estimé une fois de plus. Toujours. Ouais. C'est ça. Le numéro 3 anglophone est occupé par The Decemberists et Won't Want for Love, qui est stable. Mais tout de suite, on écoute la troisième franco, c'est Yann Perrault avec Le Président danse autrement. Et c'est dans les palmarès, c'est fou, danse qui won! Danse! Oui, oui, c'est sûr, comme d'habitude. Tout le monde aimerait ça le voir danser. Mais non, c'est de la radio. Le président danse autrement. toile subtilement. The Decemberists, c'est la pièce Won't Want for Love, position numéro 3, stable du côté anglophone. Et avant ça, on a entendu une pièce qui monte de 6 positions. Oui, c'était le Yann Perrault avec le président Danse Autrement, la 3e position francophone. Yes, Yanni, Yannick, Yano, Yann, oui. C'est pas mal juste Yann, son nom, finalement. Alors, on s'en va entendre les positions numéro... Oh, qu'on monte vite, on est rendu au numéro 2 du côté anglophone. Tantôt, on va entendre Bad for Lashes avec Daniel. Hey, ça achève hein, déjà les palmarès, ça a passé vite aujourd'hui. Caroline de Binbin. On a beaucoup de temps pour les activités parascolaires tout à l'heure, mais pour l'instant, on va écouter la 2e francophone, c'est bien cela? Oui! C'est Omnichrome avec la pièce Comme à la télévision, ça passe de la 7e à la 2e position. Et vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas dit, ça. Au moins une petite demi-heure. Hein? Des fois, je prends des pauses parce que c'est un petit peu redondant, sinon. Et tu es redundant? Ring ding ding ding ding. J'ai mon chapeau et mon fouet, Indiana Jones, j'avais pas. Fais face aux héros si ça te plaît, mais tu devras m'arracher le cœur. Patrouilleur de l'espace, mon odyssée n'est pas un échiré. Dans toutes les galaxies pour déchiffrer le monolithe. À cheval sur le thème de ma voix, pose-le-moi. Il n'était une fois la vie, globule blanc, prépare-toi. Au Congo ou sur la lune, j'ai mes russes pyramides montées. Tous nos déris et musicaux, aucune sirène ne peut m'arrêter. Vieux psychopathe, tu te traces dans la neige, oui, elle s'arrête, quelle accrochage. Je m'évapore dans mes rêves, cauchemar. Mes potes veulent m'assassiner, mais je continue, c'était juste un lait dans un champ d'aérien. Les zombies vont tous dans le même sens, quand tu pars des singes, c'est juste que ma tombe ne sert pas à que tu penses. Bébite en dessous de la taille comme un dreamer, j'attaque le ciel comme un gris. La télévision fait caca, attention, je suis un goonies. Désolé, c'est la revanche des nerds. Rencontrons la télé comme Wayne's World. UHF style. On se rend des Ferraris comme c'est pas si grave. On a eu congé, j'pars en vacances avec Bernie. Lumière politique, se sent sur les mêmes visages à moitié peint. On fait pas ça pour rien, pour la famille dont j'suis paré. Me suis toujours en ville, au CP peut rien empêcher. Couteau des dents, mitraillette, même pour prêt à dégainer. Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou. I Bat for Lashes et Daniel en position numéro 2 anglophone, plus 2 pour Bat for Lashes. Alors que du côté francophone, avant ça, c'était Omnicron et Comme à la télévision. Ça, ça monte de 5 places. Et leur album s'appelle aussi Comme à la télévision. En passant, télévision, c'est bien. Radio, selon moi, c'est mieux. Venez être amis avec nous sur Facebook. J'en parle à tout le monde. Venez être amis avec nous parce que là, tu sais, à un moment donné, ça monte. Hey, crime, ça a pas mal monté d'ailleurs le nombre de fans sur Facebook. Sûrement parce qu'il faut que j'en parle à la radio pour que ça monte encore plus. Allez voir facebook.com, tapez C'est Fou 89.1 FM et puis vous allez nous trouver assez facilement. Vous pouvez aussi être amis avec les palmarès C'est Fou. Donc faites les deux. C'est tellement facile. Vous êtes toujours sur Facebook la journée de toute façon. Fait qu'arrêtez de faire les petits paresseux. Là. Tapez C'est Fou et palmarès C'est Fou. On va entendre nos numéros 1 tout de suite. Drella, du côté anglophone. On va, on est sûr d'une chose, on est sûr que c'est un groupe chaud comme le feu, Surefire Machine. C'est un peu le nom du groupe. Je fais des jeux de mots qui ont qu'un sens avec la pièce, tu sais, elle s'appelle Paparazzi. Du côté francophone, ben on se lèvera pas debout, on va rester assis, mais on va dandiner notre derrière sur nos chaises. Voici Standing Walls. Ridicule. Les morts. Les numéros 1 sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Picture of glory and of fame. I don't really give a fuck your problems and your pain. Thought it was a good idea to push me to the edge. Now that I see you're the one that's hanging from that list. Up and took me out each and every night. I chew you up and spit you out just to prove I'm right. And I am not a slave to those ways, all those crazy days. When I look back, my life was smoky, hey. A country boy, I'm looking for some fun. My whiskey river has run dry. I'm on the run from coast to coast and town to town. Baby, that's my way. If you stick with me, the crazy shit will happen every day. Grand numéro 1 de nos panneries, c'est fou cette semaine? Ben oui, c'est déjà terminé. Déjà, sniff sniff, mais c'est pas fini, il nous reste encore une quarantaine de minutes à passer ensemble, mais résumons notre top 3, je vais faire le côté anglophone. En troisième, c'est The Decemberists avec One Wall for Love qui est stable. En deuxième, Bad for Lashes avec Daniel qui monte de 2. Et on vient d'entendre Surefire Machine avec Paparazzi qui monte d'une place. Et du côté francophone, en troisième, c'était en hausse de 6, Yann Perrault avec Le Président danse autrement. La deuxième position, Omnicrom avec Comme à la télévision, était la septième la semaine dernière. Et la première position, ça n'a pas changé depuis la semaine passée. Encore une fois, ça arrive de plus en plus fréquemment qu'on a des numéros 1 qui durent plus qu'une semaine. Mais oui, c'est à quoi qu'on serait comme l'été, genre? C'était arrivé récemment. C'est ce qui se passe. Ça arrive avec Standing Wall, c'est la pièce Cité Phosphore, en première position pour une deuxième semaine aujourd'hui. Excellent travail pour les artistes du palmarès cette semaine et toutes les semaines. On va passer à notre partie activité parascolaire. On va écouter de la musique qu'on a envie d'entendre, des choses qui se passent sur les palmarès de d'autres. Dans ce cas-ci, c'est The Lovely Feathers, un groupe que j'adore depuis super longtemps. Vraiment très, très bon. On va aller entendre la pièce Long Walks de leur tout nouvel album qui vient tout juste de sortir. On vient de le recevoir. C'était, je pense que c'était le poste d'or. Le poste d'or. Cette semaine au poste d'écoute. Oui. Et puis aussi, en même temps, c'est aussi sur le top 50 de Earshot qu'on consulte régulièrement, qui compile les pièces qui jouent le plus dans toutes les cités, les stations universitaires du Canada. Oui. C'est en 36e position sur le top 50 Earshot. 36! Ouais, c'est pas vraiment... C'est pas assez. C'est ça. Ça va monter, c'est nouveau. C'est tout nouveau, c'est arrivé cette semaine. C'est ça. On va aller entendre la pièce Long Walks. Restez avec nous dans les palmarès, c'est fou! Yeah! walks, we go on parallel walks. Hey, you shot your lover in the barn. Hey, you got stories in your past. Still, I see glory in that heart. You got courage, you got courage now. Fine, and we're insightful as the last. When we go on long walks, we go on parallel walks. When we go on long walks, we go on parallel walks. Hey, with your guilt into the spine. Ooh, with your corner intact. Oh, through the villages and the barns. You got courage, you got courage now. Fine, I won't say what I lost. danse en silence. Les gouttes sur nos nez se mélangent. C'est comme une sorte de danse. Et on s'élance en silence. Les gouttes sur nos nez se mélangent. C'est comme une sorte de danse. Un blizzard va passer, nous coquons congelés. Les gens vont prier Saint-Bernard pour nous trouver. La nature peut nous en prisonner. Un blizzard va passer, nous coquons congelés. Les gens vont prier Saint-Bernard pour nous trouver. La nature peut nous en prisonner. Si c'est sur toi que ma langue reste collée. Non, oh, c'est cute, c'est sur toi que ma langue reste collée. Les gars, trois gars sur le sofa avec la pièce moins 14. Trois gars sur le sofa qui sont en direct du Zénob ce soir. Donc, si vous êtes encore chez vous et vous aviez l'intention d'y aller, dépêchez-vous. Et si vous aviez l'intention de pas y aller, ben, shame on you. Comment on dit? Vraiment. Hein? L'accent canadien est pas tellement là, hein? Shame on you, yo, beau. C'est tellement la blague la plus poche qu'ils peuvent faire. Tous les Américains font cette blague-là, hein? Ah ouais, je sais pas. Ils disent a boot, comme si on disait a boot. Y a personne qui dit a boot, là, c'est a boat. Genre, on demandera à nos invités tantôt. Ouais. Okay. On va avoir des invités pan-canadiennes, qu'on pourrait dire. Mais pour l'instant, on va aller en publicité parce qu'on a, ça à faire. Puis après ça, on va revenir avec du Metric, je pense. Oui, parce que Metric, l'album Fantasies de Metric est en première position du top 10 ou top 50 ou peu importe les autres positions qui suivent. C'est le numéro 1 du palmarès Earshot Magazine. C'est dans les palmarès, c'est fou, retour, restez là. Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Vous êtes dans la dernière demi-heure plus chill des Palmarès, c'est fou comme on s'est mis à l'appeler récemment. Ouais, c'est le moment où tu sors tes fonds un peu plus décontractés, là. C'est ça, je m'en permets, tu sais. C'est le même, je suis le même, moi, tu sais. Hein? C'est ça. Bon. Bref, vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On a terminé notre palmarès. Pour ceux qui ne suivent pas à la maison, là, oubliez ça, le palmarès, il n'y en a plus, là. Maintenant, c'est Kiwan et moi qui décidons la musique. Mais pas juste Kiwan et moi. On va avoir de l'aide aujourd'hui, en fait. On va avoir des helpers. They're about to help me plus tard. Mais pour l'instant, on va entendre du Metric. Ouais, position numéro 1 du palmarès Earshot Magazine à travers le Canada au complet. Magazine, c'est le même que tu prononces ça, toi. Ouais. Magazine, c'est Magazine. Des belles leçons de français pour nos invités, hein, c'est-tu. Magazine! Ouais. Ah, c'est fou, 89 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. We'll be right back. like a hammer. Magic et Help I'm Alive. Oui, c'est très bon. Vous savez, l'album Fantasies, très récent, on aime ça. Mmh. Ouais, j'ai toujours pas réussi à trouver le moyen d'aller les voir pendant le Festival d'été de Québec, parce que c'est ça, en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça prend absolument le passeport pour pouvoir aller voir le spectacle en salle, mais il y en a déjà des milliers et des milliers de vendus, donc c'est presque impossible d'avoir d'être parmi les peut-être 500 ou 1000 personnes qui vont avoir une place, donc j'ai finalement dû abandonner le projet d'aller voir Metric à Québec au mois de juillet. Mmh. Et t'as abandonné le projet d'aller voir ailleurs au Canada, t'avais une province, c'était dans quelle province que tu voulais aller les voir à un moment donné, tu disais Manitoba? Ou... Non, en Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse? Ouais, pour vrai, il y a un festival, c'est à Halifax en plus, c'est vraiment à Halifax, il y a un festival de musique, je sais plus c'est quand, mais en tout cas, Metric vont être là. Ah, c'est Virgin, c'est pour le Virgin Music Festival. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça. Pour parler d'autres choses canadiennes, mais pas tant que ça. Pas trop. pas vrai. On va amener deux invités tout à fait spéciales de l'école de français. Bonjour à vous, présentez-vous. On va commencer par la gauche. Bonjour. Ah. C'est le seul, il y en a cinq et c'est le seul que j'ai pour voir. Oh, mais bonjour, je m'appelle bonjour. Catherine et je m'appelle Elizabeth. Bonjour, Catherine et Elisabeth. Qu'est-ce que vous faites à Trois-Rivières, notre belle ville tellement enchanteresse? Nous améliorons notre français un peu, je pense. Oui. On étudie le français pour 5 semaines. Il reste seulement 1 semaine, mais on doit pratiquer le français beaucoup, alors... Ça s'avance. En tout cas, moi, je comprends tout ce que vous dites et je crois que vous comprenez la majorité. Ça marche. Moi, je comprends plus quand elle parle que quand toi, tu fais tes blagues. Oh. T'es fin, t'es vraiment gentil. Donc, vous allez partir bientôt, mais l'école de français continue pour l'été. C'est des sessions de 5 semaines par groupe. Oui, il y a environ 350 personnes par groupe, je crois. C'est beaucoup. Beaucoup d'anglophones qui... à pratiquer le français. Et c'est l'immersion, on vous met vraiment dans le bain, là. Oui, oui. Vous avez des punitions si vous parlez français. Oui, les cartes rouges. Oui, oui, c'est vraiment strict. Puis aussi, la communauté de Trois-Rivières, c'est vraiment francophone. Puis nous avons besoin de parler le français quand nous... dans le centre-ville, choses comme ça, les restaurants. Oui. Ouais. Il y a des espions. Des espions qui viennent vous voir si vous parlez français. Yes. Combien de cartons vous avez eu chaque, juste par curiosité pure, comme ça? Mais zéro. Oui, zéro. Tout offusqué, je le demande. Oui. Mais on a des cartes bleues pour parler français. Oh, bleu. Bleu. Donc, c'est mon erreur. Si vous avez trop de cartons rouges, qu'est-ce qui arrive? Ils vous prennent votre billet d'avion puis vous ne pouvez pas retourner jamais chez vous. Oui, ici... Tu dois quitter. Pour vrai, c'est vraiment sévère. Ben, ça vous force à faire la chose comme il le faut. Parler français tout le temps, dans tous les yeux. On n'a pas parlé d'où vous venez. Oui. Je viens de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Okay. Et moi, je viens de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, mais maintenant, j'habite à Halifax. Cool. Okay. C'est très, très cool. Vous nous avez amené des groupes de votre coin qu'on va l'entendre. Hein? C'est ça, en fait, vous nous avez préparé un petit bloc musical qui va être entièrement composé d'artistes de Halifax, c'est bien ça? Oui, une petite musique de l'Est du Canada. L'Est, oui. Atlantique. Je pense que c'est de Joel Plaskett. Oui. Oui, on va commencer avec la pièce Fashionable People. Sinon, avant de passer en musique, on va vous garder encore un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici la fin de votre séjour à Trois-Rivières? Je sais pas. L'école encore, mais aussi. Peut-être on va sortir. S'il y a beaucoup de jours comme ce jour-là, nous allons marcher dans le centre de ville, proche de la rivière. Sur le patio de Vendée-Fourges. Oui, bien sûr, le patio. Oui. Et on va parler français beaucoup. Oui, toujours. N'arrêtez jamais de parler français. Non. Moi, je garantis aussi qu'ils vont retourner dans la... Ils vont arrêter de parler français. Même avec les amis de la maison, on va parler français, je crois. Oui. Bon. Heureux de l'entendre. Alors, vous êtes très sympathique. On est très heureux de vous avoir avec nous au Palmarès. Soyez amis avec nous sur Facebook, s'il vous plaît. Et faites partager des... Non, mais ils nous font découvrir des choses, mais en fait, moi, la plupart des choses qu'ils m'ont mentionnées, c'est des affaires que je connaissais déjà. Mais tantôt, on va entendre du Winter Sleep, que je connaissais pas encore tant que ça. On va entendre ça tantôt. On va commencer par Joel Plaskett. On va entendre la pièce Fashionable People. Tout de suite. Mm-hmm. Là. Maintenant, tout de suite. Bravo, les filles! C'est moi qui vous guide pas à bonne place. Là. Vous êtes très bonnes. Félicitations. Ah ouais, vraiment. Merci, mais...

some caramel cement. Cut the demons out of my head. You can't kill the thing that's already dead, so leave my soul alone. I don't need no surgery. Take those knives away from me. Just wanna die in my own body. A ghost just needs a home. Matt Maze et Nail Torpedo avec Cocaine Cowgirl. On est pas mal assez fou. Les filles, Catherine, Elizabeth. Rebonjour. Bonjour encore. C'est nos invités de tantôt, là, voilà genre 20 minutes avant le bloc musical, qui sont de l'école de français. Vous finissez vos cours très bientôt. Oui. Il vous reste pas grand temps. Hein? Non, seulement une semaine. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir tout Trois-Rivières au grand complet, chacune de ces petites bidonvilles de rue? J'ai essayé. Oui. On marchait beaucoup. Le centre-ville surtout. Hein? Oui. Pas toute la ville, mais... C'est plus grand que le campus, alors... Beaucoup pour manger. Pendant les nuits, on est sortis au centre-ville, des choses comme ça. Mm-hmm. Ouais. Vous avez aimé ça? Oui. L'alcool est aussi bon que chez vous. Donc là, parlons du bloc musical qu'on vient d'entendre. On a entendu Matt Maze et Nail Torpedo. C'était votre choix commun, ce bloc-là. C'est pas, y a pas de discrimination. Les deux ont choisi les pièces en même temps. Oui, les deux, parce que c'est les chansons qu'on écoute en Nouvelle-Écosse. Matt Maze est un artiste de Halifax. Et avant ça, il y a eu Winter Sleep avec l'album Welcome to the Night Sky, la pièce Weighty Ghost. J'ai vraiment aimé ça, moi. Très bon, ça. Ouais. Oh, merci. Oui, bon, Winter Sleep était, je crois, les premiers musiciens que j'ai vu dans une bar quand j'étais 18. Oh. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, c'est très crédible. Vraiment, là. C'est très convaincant. Bravo. Et Joel Plaskett qui est passé par nos palmarès ici. Donc, des choses qu'on connaissait, mais pas assez, je pense, et qu'on devrait connaître encore plus avec le temps. Et si vous remplissez votre promesse d'être amis avec nous sur Facebook, vous allez nous conseiller d'autres groupes. Oui. Je vais tenir... si vous le faites pas, là, je vais être fâché. On va l'entendre de Novax. C'est pas un groupe de Terre-Neuve? Oui, c'est de Terre-Neuve, je crois, de St. John's. Okay. Et je crois qu'ils vont commencer un tour dans quelques semaines partout le Canada et même au Québec. Alors, avant, ils ont joué avec Matt Maze, mais maintenant, ils sont plus grands à lui-même. OK. Ils sont quoi? Ils sont plus grands, comme ils ont plus de publicité. Ah, OK, ils sont rendus big. Oui. Des fois, ça arrive, ça, tu sais. Oui. Donc, on va aller écouter leur pièce Things Fall Apart, The Novax. C'était d'ailleurs le poste d'or à l'émission Le Poste d'écoute. Je fais c'est une plug pour une autre émission que j'anime. Oui. Je fais ça, moi, c'est ce que je fais, des plugs. Plugs. Oh, OK. I'm plug it. Okay. Okay, comme ça, pour appuyer ce qu'Elisabeth vient de dire, ils sont en tournée. La tournée a commencé déjà, puis ils vont être bientôt proches d'ici à Ottawa, en Ontario, The Novax. C'est le 22 juin. Mais ils viennent pas à Montréal. Il n'y a pas de date au Québec. Mais ils viennent proches, à Ottawa. Bon. Voilà, c'est le plus proche qu'ils vont venir. C'est agace un peu. Hein? Un petit peu agace. Une chance, c'est qu'Iwan amène du professionnalisme ici. Hein? T'es bien, t'as bien fait ça. Ah, merci. The Novax avec Things Fall Apart. Et je remercie une dernière fois Catherine Hudson. Merci beaucoup. Elizabeth McMillan. Merci. C'était beau comme prononciation. J'ai bien fait ça, je pense. The Novax. Shut up. Tu peux dire shut up en français? C'est quoi shut up en français? Ferme ta bouche. Close your mouth, please. Vous n'avez pas l'air assez fou au 89.1. Fall apart if things. The Novax et Things Fall Apart dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Et oui, c'est ce qui termine l'émission. Absolument, c'était notre petit bloc canadien. On a aimé cette expérience-là, c'était le fun. Oui, avec nos invités qui étaient très gentils. Absolument, qui vont être nos amis sur Facebook, on ne dira jamais assez, mais tu sais, maintenant je l'ai dit trois fois. Ils n'ont pas le choix. C'est ça, pas mal. Hein? Ouais. C'est tout pour cette semaine au palmarès, c'est fou. C'est Kiwan qui suit avec la dernière porte à gauche. Qu'est-ce qui s'en vient, Kiwan? Ben, quelques nouveautés. Entre autres, on a reçu à C'est fou le nouvel album du Nombre. Et puis, sinon, quand même trouver quelques petits trucs cette semaine de mon côté. Il va y avoir le petit Ben Roucote et d'autres trucs, là, des nouveautés. Il va en avoir pas mal, c'est ce que je peux dire. Ben, j'espère. On se fie à ça, nous, la dernière porte à gauche, pour être au courant des nouveautés musicales. T'sais. Pas d'accord avec moi. Ben oui, tu peux ouais. Faire ça. D'accord. Je vais arrêter d'écouter ton émission si tu veux pas que je l'écoute. Hein. Non, ben t'as pas le choix d'écouter en fait parce que c'est toi qui la découpe, mais bon. C'est ça. Et en plus, je suis pas mal dans le studio tout le long de ton émission. Hein. On se retrouve la semaine prochaine et vendredi soir à 17h. Et on rappelle les jeudis à partir de 15h. Kiwan, merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci à vous, les palmiers. Merci à Catherine Hudson et Elizabeth McMillan. Hein, c'est ma prononciation anglaise est vraiment parfaite. Vraiment, je trouve un petit peu érotique. C'est plus mon ton de voix hein, quand je parle. Ouais. C'est quand je parle en anglais, tu sais, ça m'émoustille. Hey, bonne semaine. Hey, bye. Je deviens quoi? Un autre homme. Un autre homme, another man. Bye, Kiwan. Bye, Matt. Bye, les palmiers. Bye. Les palmarès C'est fou ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan.